بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في الدرس 29 في تفسير كتاب الله تعالى aujourd'hui le 29e cours dans l'exégèse du livre d'Allah تعالى ونبدأ في سورة جديدة on commence une nouvelle sourate aujourd'hui سورة البروج Sourate Al-Buruj, les constellations. Wahiya Suratun Mekkiya. C'est une sourate qui a été révélée durant l'époque mécoise. Allah Ta'ala qui dit Wassama'i dhat al-Buruj. Par le ciel aux constellations. Wal yawm al-Maw'ud. Et par le jour promis. Wa shahidi wa mashhud. Et par un témoin. Et ce, dont on témoigne, qutila ashabul ukhdud, que soient maudits les gens des brèches, annari dhatil waqud, le feu au combustible, idhum alayha qu'ud, alors qu'ils étaient assis auprès de celui-ci, auprès du feu. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ Ils étaient alors témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. وَمَا نَكَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Et la seule chose qu'ils leur ont reproché est qu'ils aient eu la foi en Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات البروج الله تعالى il a juré par le ciel aux constellations والكواكب المنتظمة في سيرها أحسن ترتيب et donc le ciel qui possède ces astres qui sont très bien organisés dans leur trajectoire qui sont organisés de la meilleure des façons dans leur trajectoire wa hadha mimma yadullu ala qudrati llahi ta'ala et cela montre la puissance d'Allah ta'ala et qu'il fait ce qu'il veut Allah ta'ala qui dit wal yawm al maw'ud et par le jour promis wa huwa yawm al qiyamah et c'est le jour de la résurrection اليوم الذي وعد الله أنه سيجمع الخلق فيه. C'est le jour durant lequel Allah Ta'ala a promis qu'il va réunir les créatures durant celui-ci, durant ce jour-là. Allah Ta'ala qui dit dans son livre كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. De la même façon que nous avons commencé la création, nous allons la refaire. Nous allons la refaire. Ceci est une promesse venant de nous. Certes, nous allons le faire. Wallahu ta'ala la yukhlifu wa'dahu. Et Allah ne manque pas à sa promesse. Allah ta'ala qui dit dans son livre "Wa yasta'jilunaka bil 'adhab wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'uddun." Et il cherche à te précipiter, à te hâter concernant le châtiment. Mais Allah ne va pas manquer à sa promesse. Et certes, un jour auprès d'Allah, un jour auprès de ton Seigneur, est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Et donc, Yawm al-Maw'ud, le jour promis, c'est le jour de la résurrection. Allah Ta'ala qui jure par ce jour, et ensuite il jure par « wa shahidin wa mashhud » et par un témoin, et ce dont on témoigne, c'est-à-dire ce qui est assisté, ce auquel on assiste. À quoi est-ce qu'on assiste? Il y a plusieurs avis des savants concernant ce verset. Le savantissime Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit « Zakara ulema ut tafsir, fi shahidi wal mashhudi iddata akwal » يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود والشهود كثيرون منهم محمد صلى الله عليه وسلم شهيد علينا كما قال الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Le savantissime Ibn al-Uthaymin, il dit, et les savants, ils ont plusieurs avis. Les savants du tafsir ont plusieurs avis concernant ce verset, concernant Shahid, le témoin, et ce, pourquoi on témoigne. Et en rassemblant les preuves des savants, on arrive à la conclusion que Allah Ta'ala, il jure par tout témoin. Il jure par tous les témoins. Il jure par tous les témoins, subhanahu wa ta'ala, et par tout ce pourquoi on témoigne, et tout ce à quoi on assiste. Et les témoins sont nombreux. Les témoins sont nombreux. Parmi eux, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme témoin pour nous, témoin nous concernant. Allah Ta'ala qui dit dans son livre, « Wajidna bika ala ha'ulai shahida » Et nous sommes venus avec toi pour être témoins concernant cela. Et le cheikh, il continue, le cheikh Ibn al-Uthaymin, il continue en disant Wa minhum hadhihi al-umma shuhada'u 'ala an-nas. Il y a parmi eux, parmi les témoins, il y a cette communauté, la communauté musulmane, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont témoins concernant les gens. Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et de cette façon, nous avons fait de vous une communauté juste et meilleure, afin que vous soyez témoins concernant les gens, dans surat Al-Baqara. Ensuite, le cheikh Ibn al-Uthaymin, il continue en disant وَأَعْضَاءُ الْإِنسَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِمَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Et les membres de l'être humain, au jour de la résurrection, vont témoigner contre lui, vont témoigner le concernant de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a accompli de bien ou de mal. Comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour durant lequel leur langue, leurs mains et leurs pieds vont témoigner de ce qu'ils ont accompli. وَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَشْهَدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et parmi les témoins, il y a aussi les anges qui vont témoigner au jour de la résurrection. Sauf que ici, le cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il n'a pas cité de verset du Coran. Et cela m'a fait penser au verset qu'on a déjà cité plusieurs fois, la semaine dernière et la semaine d'avant, dans cette mosquée, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Et chaque âme viendra avec un conducteur, un ange qui la conduit, qui l'amène, et un témoin. Ce sera un ange qui va témoigner. Ensuite, le cheikh Ibn al-Uthaymin, il continue en disant فَكُلُّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَشَهِيدٌ. Et donc, toute personne qui atteste avec vérité, qui témoigne avec vérité, rentre dans la parole d'Allah Ta'ala, wa shahidin, et par un témoin. Wa amma al-mashhud fa huwa yawm al-qiyamah wa ma yu'radu fihi min al-ahwal al-'azima. En ce qui concerne al-mashhud, ce pour quoi on témoigne, ce à quoi on assiste, c'est le jour de la résurrection. Et tout ce qui va se passer durant ce jour, parmi les situations terribles et effrayantes, comme Allah Ta'ala il dit dans son livre, ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Et ceci, et ce jour est un jour durant lequel les gens seront réunis. Et c'est un jour auquel on assistera. Certains traduisent par un jour solennel. C'est un jour auquel tout le monde assistera. Allah Ta'ala qui dit après cela, donc fin de citation concernant la parole du Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Après cela, Allah Ta'ala il dit, Qutila ashabul ukhdud. Qutila ici, c'est lu'ina. C'est-à-dire que soient maudits les gens des brèches. Les brèches, c'est-à-dire qu'ils faisaient des brèches dans la terre pour faire du feu, de longues brèches dans la terre pour faire un feu énorme. والمعنى هنا الإبعاد عن رحمة الله. Ce qui est voulu ici par ce verset, c'est le fait de les éloigner, de les faire sortir de la miséricorde d'Allah. C'est ce qui est voulu par l'an, la malédiction. La malédiction, c'est le fait que la personne soit rejetée, bannie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَلُوِنَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ وَهُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ فِي دِينِهِمْ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ أَبَرِدَّةَ عَنِ الْإِسْلَامِ كَانُوا يَرْمُونَهُ فِي النَّارِ. Et donc, les gens des brèches, ce sont des incroyants qui ont éprouvé les musulmans, ils ont éprouvé les croyants quant à leur religion. Tout croyant qui refusait d'apostasier et qui refusait de quitter l'islam, alors il le jetait dans le feu. وَإِنَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Et ceci est un dur châtiment. وَابْتِلَاءٌ عَظِيمٌ. Et c'est une lourde épreuve, très lourde épreuve, que de voir le feu comme cela. فَصَبَرَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَثَبَتُوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et donc les croyants, ils ont enduré. Et ils sont restés fermes, ils n'ont pas changé. Là, c'était du feu, c'était pas de l'argent, salaire ou autre, c'était du feu, on vous jette dans le feu si vous ne rejetez pas votre religion. Ils sont restés fermes, et certes, on a déjà abordé cette histoire, lorsqu'on a vu ici dans la mosquée, le hadith concernant, si je me rappelle bien le titre qu'on a donné à cette histoire, Qissat al-Walad ou al-Malik, l'histoire de l'enfant et du roi. L'histoire de l'enfant et du roi, et qu'ensuite, après la mort de l'enfant, tout le peuple, les gens qui ont assisté à cela, ils se sont convertis à l'islam. Amanna bi rabbil walad. Nous avons foi au Seigneur de l'enfant. Nous avons la foi, nous croyons au Seigneur de l'enfant. Ensuite, les gens, ils ont été jetés dans le feu. On avait cité l'histoire de cette femme qui avait son enfant avec elle, son bébé, et qui devait être jeté dans le feu, et que son enfant lui a dit « Isbir fa innaki ala al-haq. » Endure, patiente, car tu es sur la vérité. ففي هذه القصة ما يدل على أهمية الصبر عند الابتلاء وأن الله تعالى يبتلي عباده ليتميز الصادق في إيمانه من غيره. Il y a dans cette histoire le fait, l'importance quant au fait de patienter et d'endurer dans l'épreuve, et que Allah Ta'ala, il éprouve ses serviteurs afin que se distingue celui qui est véridique dans sa foi de celui qui ne l'est pas. Et donc Allah Azza wa Jalla, il nous éprouve tous les jours, afin que se distingue celui qui est véridique dans sa foi de celui qui ne l'est pas. Wa ma sababu alladhi ja'ala ha'ula'i al-kafirin yastahiqqun al-ib'ad 'an rahmatillahi ta'ala. Quelle est la cause qui ont fait que ces incroyants, ces gens qui ont brûlé les musulmans, quelle est la cause qui ont fait qu'ils méritent d'être banni de la bénédiction d'Allah, de la miséricorde d'Allah Ta'ala? Bayyanahu Allah Ta'ala fil ayat al-ukhra. Allah Ta'ala, il a montré cela dans les autres versets, dans les versets qui suivent, dans sa parole an-nari dhat al-waqud, par le feu au combustible. Idhum 'alayha qu'ud, alors qu'ils étaient assis auprès de celui-ci, auprès du feu. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Et ils étaient alors témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. وَمَا نَكَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et ils ne leur ont reproché que le fait qu'ils ont cru en Allah, l'Aziz, l'Hamid. فَهَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ كَانُوا قَاعِدِينَ عَلَى النَّارِ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى قَسْوَةِ الْقَلْبِ. Et donc ces incroyants, ils étaient assis auprès du feu. Et cela, ça montre la dureté du cœur. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ وَيَقْعُدُونَ حَوْلَهَا كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ. Et donc ils jetaient les croyants dans le feu, et restaient assis auprès du feu, comme s'il n'y avait rien. Comme si c'était un morceau de bois que tu as jeté dans le feu, près de ta cheminée, comme s'il n'y a rien. Alors que c'est un être humain que tu as jeté dans le feu. وَتَرَى النَّارَ تَلْتَهِمُهُمْ. Et tu vois le feu qui les consume devant toi, et tu restes là assis, comme si de rien n'était. Cela montre la dureté du cœur. la dureté du cœur que pouvaient avoir ces gens-là. Et cela montre comment les croyants, ils ont enduré. Allah Ta'ala qui dit « Wahum ala ma yaf'alouna bil mu'minina shuhud » et ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. « Fahum yashhaduna ala anfusihim ala af'alihim bil mu'minin lidha istahakku hadhihi al'ukuba » et donc ils étaient témoins de ce que eux-mêmes faisaient aux croyants. Ils restaient à regarder cela. Les savants ont dit « C'est pour cela qu'ils méritent ce châtiment ». Ce lourd châtiment, le fait d'être banni et rejeté de la miséricorde d'Allah Ta'ala. وَمَنْ هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ يَرْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ. Et quelle est la cause qui a fait que ces incroyants, ils jetaient les croyants dans le feu? Quelle est la cause qui a entraîné cela? On l'a lu dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَمَنْ نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. La seule chose qu'ils leur ont reproché, c'est qu'ils aient eu la foi en Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. فَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا كَوْنَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Et donc, ils n'ont reproché aux croyants que le fait qu'ils croient en Allah. C'est le seul reproche qu'ils leur ont fait. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِنْكَارِ. Et cela, en réalité, ne mérite pas d'être reproché, ne mérite pas d'être blâmé, le fait de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa antum al-yawm tarawn fi zamanina kayfa yunkiruna 'ala al-mu'minina imanahum bi tariqatin makira. Et aujourd'hui vous voyez à notre époque comment est-ce que les gens reprochent aux croyants le fait qu'ils croient en Allah, mais sauf qu'ils le font d'une façon vicieuse. Ils ne le font pas directement. فَيُنْكِرُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ حِجَابَهَا وَيُنْكِرُونَ عَلَى الْأَبَاءِ تَرْبِيَةَ أَوْلَادِهِمْ تَرْبِيَةً صَالِحًا. Ils vont reprocher à la femme le fait qu'elle porte son voile. Ils vont reprocher aux parents le fait qu'ils s'efforcent de donner à leur enfant une éducation pieuse. Loin de la fornication, loin des turpitudes. Ils vont reprocher cela aux parents. فَيُنْكِرُونَ الْحِجَابَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِكَوْنِهِمْ يَعْرِفُونَ أَنَّ حِجَابَهَا صَادِرٌ مِنْ إِمَانِهَا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Ils reprochent à cette femme son voile, car ils savent pertinemment que ce voile vient de sa foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Si elle n'avait pas la foi en Allah, elle n'aurait pas porté le voile. Elle n'aurait pas porté le voile. C'est sa foi en Allah qui fait qu'aujourd'hui elle porte le voile. Mais aujourd'hui, on va blâmer sa foi en Allah de façon indirecte. On va blâmer le voile. On va blâmer le voile. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui pour éprouver les croyants et les croyantes. Pour les éprouver dans leur religion. فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَصْبِرُوا وَأَنْ يَثْبُتُوا. Il est donc obligatoire aux croyants d'endurer et de rester ferme sur la vérité, sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à la mort. Il est obligatoire de patienter, d'endurer. وَمَنْ اسْتَطَاعَ الْهِجْرَةَ فَلْيَفْعَلْ فِرَارًا بِدِينِهِ. Et celui qui peut émigrer dans un pays musulman pour préserver sa religion, alors qu'il le fasse. فالمؤمنون يؤمنون بالله العزيز الحميد. Et donc les croyants, ils croient en Allah. العزيز الحميد. العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء. العزيز c'est le tout-puissant. Celui qui a le dessus sur toute chose. Rien n'a le dessus sur lui. فَلَهُ الْعِزَّةِ. Et donc c'est lui qui a la puissance. وَلِلْمُؤْمِنِينَ الْعِزَّةِ. Et les croyants ont la puissance. وَهَذَا سَنُفَصِّلُ فِيهِ أَكْثَرُ فَأَكْثَرُ فِي الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Et ce sujet-là, le sujet du fait que Allah Azza wa Jal, c'est l'Aziz, celui qui est le Tout-Puissant, et que les croyants, ils ont la puissance. Nous allons détailler sur ce sujet, إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, la semaine prochaine. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.